L'hôtel Saint-Paul de Michel Zévaco. Paru en 147 feuilletons dans le Matin du 24 avril au 18 septembre 1909. Chapitre 1. La reine. Dix heures du soir vont sonner. Dans la vaporeuse atmosphère de la nuit d'été, en ce coin de Paris qui s'étend de la rue Saint-Antoine à la Seine, c'était une saisissante vision que celle de cette formidable enceinte crénelée sur laquelle pèse un vaste silence. C'est une forteresse géante où 10 000 hommes d'armes se peuvent loger, une forêt de tours, de beffrois, de flèches, de clochetons, une cité fantastique où les musiques des fêtes et les orgues de 8 chapelles chantent tour à tour la gloire de Satan et celle de Dieu, tandis que le rugissement des lions, du fond des cages, répond aux cris de veille des sentinelles. Une véritable ville féodale, enfin, où dans 6 jardins et 14 cours s'espace à l'aise le palais du roi, le palais de la reine, l'hôtel des archevêques, le logis de Pompérin, l'hôtel de Saint-Maur, le palais de Beautreilly, somptueux édifice gothique, dominant de l'art campanile, 20 autres bâtiments épars dans l'enceinte. Cet immense domaine porte un nom que partout on murmure parmi de mystérieux récits, d'exorbitantes légendes. Cela s'appelle l'hôtel Saint-Paul. 10 heures du soir vont sonner. Au palais de la reine, tout se tait. Au fond de la fastueuse chambre à coucher, en costume d'apparat, côte hardie lamée d'argent, voile de dentelle retombant du hennin, se tiennent les 3 filles d'honneur immobiles. Devant un haut miroir d'acier, les poignets encerclés d'émeraude, les mains scintillantes de bagues selon la mode qu'elle a importée, les yeux d'un bleu noir, la chevelure blond ardent, éblouissante dans l'éclat de ses 18 printemps, Isabeau de Bavière, la reine de France. Elle écoute, elle attend, elle écoute encore. Elle est nerveuse, impatiente. Elle soupire, et tout entière, elle tressaille lorsque sonne 10 heures. Enfin, alors elle se retourne. Pour cette nuit, vous avez congé. Des escortes vous reconduiront au logis Passavant, Laurence, à l'hôtel de Coucy, Blanche, et vous Colette à l'hôtel de Saveuse. Allez. En parlant ainsi, sa voix grelotte comme lorsqu'une rafale de folie ravage un cerveau, et son masque d'étrange beauté se convulse sous l'effort de quelque terrible émotion. Les demoiselles d'honneur s'inclinent en une lente révérence, et quand elles se redressent, l'une d'elles, cette fille là près du lit, si belle, si pure, si touchante, Laurence d'Embrun, est devenue pâle comme la cire des flambeaux qui éclaire cette scène. Sûrement c'est une âme en détresse. Il y a du désespoir dans l'attitude de cette jeune fille, et ses yeux reflètent quelques douleurs sans remède. La reine pâlit à son tour, et d'une voix altérée où vibre on ne sait quelle menace en soupçon. « Vous avez la mort sur le visage, d'Embrun. Pourquoi ? Répondez. » « Un malaise, majesté, » répond Laurence avec effort. « Si vous daignez le permettre, je resterai au palais. » « Rentrez chez vous, » gronde la reine. « Rentrez et reposez-vous cette semaine, » reprend-elle plus calme. « Allez, ma chère, demain je vous enverrai mon guérisseur au logis Passavant. » Laurence bégaye un morne remerciement et sort avec ses compagnes. « Oh, songe-t-elle éperdue, elle nous renvoie. C'est le comte de Nevers qu'elle attend. Je le sais, j'en suis sûre. Le malheur est sur moi. Le malheur est le châtiment. » « Seigneur, Seigneur, ne punissez que moi et sauvez l'innocente. » Elle traverse la salle de mate brune attenante à l'appartement privé. Déserte. Puis la salle de Théséus. Déserte. Puis la galerie monumentale à double colonnade. Déserte. On a fait le vide dans le palais de la reine. Et tandis que Blanche de Coucy et Colette de Saveuse, obéissant à l'ordre, descendent le majestueux escalier en granit d'Égypte, franchissent les cours et quittent l'hôtel Saint-Paul, Laurence d'Embrun demeure là, appuyée à une colonne de la galerie, les mains jointes, désespérée. Et d'un accent d'affolement, elle murmure. « Il va venir, c'est fini. Adieu, mon dernier espoir. Il aime la reine. » Quelques minutes, Isabeau a écouté les bruits qui s'éloignent, s'étouffent, s'éteignent. Alors, sûre de la solitude, elle s'élance. De son pas onduleux et souple, elle parcourt le même chemin que les filles d'honneur. Mais au bord du vaste et superbe escalier qui descend droit au vestibule, elle s'arrête comme au bord d'un lac d'ombre. Et soudain paraît celui qu'elle attend. C'est un jeune homme de 25 ans, d'une âpre beauté, d'une élégance rude, largement découplée, le front violent, la lèvre dédaigneuse, l'œil cruel chargé de défiance. Il monte jusqu'à Isabeau, met un genou sur les dalles et murmure. Jean sans peur, comte de la marche de Nevers, attend les ordres de sa reine. « Relevez-vous, » commande Isabeau. Et quand il a obéi, elle hésite. Elle tremble. Sa gorge s'oppresse, son sein se soulève, ses lèvres brûlent. Et tout à coup, « Pourquoi, depuis 8 jours que vous êtes à Paris, au lys, à la chasse, aux fêtes données en votre honneur, partout, est-ce moi, toujours moi, que vous regardez ?» La parole brève, Nevers répond. Pourquoi au fait et partout et toujours, est-ce vous, vous seul qui prenez ma pensée, mon regard et mon âme? Jean sans peur, évidemment, la contemple, l'étudie. Son regard, aux lueurs d'acier, brille d'une ruse effrayante. Et celui-là aussi est en pleine jeunesse. Et si le délire de la reine est un de ces phénomènes qui bouleversent toute psychologie, sa passion à lui est plus hideuse, car c'est l'amour de soi poussé à la frénésie, car c'est l'ambition brûlante, dévorante. Lui, lui, il n'y a que lui. Il brisera, détruira, broiera tout sur son chemin. « Madame, murmure-t-il, ah, madame, vous ne me condamnez donc pas ?»« Vous condamnez, moi ?» Le cri a fait explosion sur les lèvres de la reine. Le cri qui la livre comme une ribaude du chant fleuri, le cri qui proclame la déchéance de son honneur de femme, de sa dignité d'épouse. Et ces paroles sont les premières qu'elle échange seule à seule avec cet homme. Et il y a 8 jours que, pour la première fois, elle a vu Jean sans peur, absent de Paris depuis 3 ans, et c'est leur premier rendez-vous. Ébloui, balbutiant des serments informes, il a ouvert les bras et s'avance. Mais alors Isabeau se dérobe. Elle le couvre d'un regard sérieux jusqu'à la menace et gronde. « Je vous veux pour moi seul, tout entier, force et pensée, esprit, âme et corps. Prenez garde, Nevers, prenez garde avant de répondre à la question suprême. Jurez que vous n'avez dans votre vie aucune attache d'amour. » « Aucune, » répond Jean sans peur. S'il y en avait une, jurez de la trancher. « Entendez-moi, ce n'est pas seulement une rupture que j'exige. Entre vous et moi, je ne veux rien de vivant, rien. » Nevers lève la main et jure. Dans les lointains de la galerie passe une plainte, si ténue qu'ils ne l'entendent pas. Et c'est Laurence d'Embrun qui râle. « Adieu, adieu à l'espérance. » Isabeau se rapproche de Jean sans peur. Sans doute ce qui lui reste à dire est effroyable. Dans un souffle, elle commence. Les attaches d'amour ne sont pas les seules. Ma cousine Marguerite de Hainaut est votre épouse. Votre cousin Charles VIe est mon époux. Elle s'arrête, elle n'achève pas. Une longue minute, penchés l'un sur l'autre, les yeux dans les yeux, blême figure de crime, ils s'interrogent, ils se répondent par leurs regards. Et c'est fini. Ils se redressent, ils se sont entendus parler dans le silence, ils se sont compris. Alors elle achève d'une voix lente et grave. « Maintenant, Jean sans peur, vous pouvez répondre, prenez garde. » Et Nevers, sans hésiter, « Par le ciel, par cette nuit d'où je veux dater ma vie, par cette âme que je vous donne, je jure que je vous aime. » Dans cette seconde, tous deux s'immobilisent pétrifiés. Là, dans la galerie même, derrière une colonne, il y a eu quelque chose, comme un cri étouffé. Il semble que là-bas un pas se traîne. Isabeau s'éveille de sa stupeur. Audacieuse et flamboyante, elle bondit. Elle entrevoit une forme indécise qui s'enfonce dans le couloir réservé aux filles d'honneur. Alors elle s'arrête. Un sourire crispe ses lèvres. Elle a reconnu cette forme. De son allure silencieuse et rapide, elle revient sur Jean sans peur, l'entraîne jusque dans sa chambre à coucher, et là, « Nous avons été guettés. Nous sommes perdus si vous ne tuez l'espionne. »« Je suis prêt, » gronde Jean sans peur en montrant son poignard. « Pas dans le palais, le cadavre nous accuserait. Ni au poignard, le sang reste. »« Où est comme vous voudrez. » Froidement, en quelques rapides et indistinctes paroles, le meurtre a été décidé. « Trône et sceptre, » songe Nevers, « la gloire, la puissance, et qui sait, l'empire de Charlemagne restauré, le monde sous mon talon. Et quant à cette fille qui depuis 8 jours me supplie du regard, qui prétend se prévaloir de ce caprice d'antan, malheur à elle si elle se trouve sur ma route. » Isabeau, d'un signe, ordonne à Jean sans peur de l'attendre. Elle se glisse, empressée, funèbre, dans l'obscurité de la galerie, entre dans le couloir, choisit d'un seul coup d'œil entre 10 autres, une porte devant laquelle elle s'arrête. Brusquement, d'un mouvement furieux, elle l'ouvre toute grande. C'est la porte de la chambre où loge Laurence d'Embrun. Il nous faut ici conter son histoire. Elle sera brève. Elle pourrait tenir en ces 3 mots, c'était une orpheline. Sa naissance avait tué sa mère. Elle atteignait sa 15e année lorsque, en février 1387, mourut son père, le baron d'Embrun, l'un des plus vigoureux partisans du duc de Berry dans sa lutte contre Philippe, duc de Bourgogne, dont Jean sans peur était le fils aîné. En partant pour l'éternel voyage, d'Embrun confia Laurence à la veuve de son ami et compagnon d'armes, Tancrède, chevalier de Passavant. La veuve, Alice de Passavant, recueillit la demoiselle d'Embrun, elle lui fit place en son hôtel de la rue Saint-Martin. Mais au commencement de 1389, cette noble femme, rongée par le chagrin, s'en fut elle-même rejoindre son bien-aimé Tancrède. Elle laissait un fils dont on venait de célébrer le 6e anniversaire. Cet enfant se nommait Hardy, et nul autre nom n'eût pu lui convenir. Les deux orphelins, donc, Laurence d'Embrun et Hardy de Passavant, se tinrent lieu de toute famille. Ils furent frères et sœurs. Elle a l'âge des premiers émois du cœur, lui grandissant de façon plus qu'étrange, en force physique et courage d'âme. Tout à coup, à la fin de cette même année 1389, Laurence devint inquiète, agitée, quitta souvent seule le logis, parut souvent les yeux rouges et pâlit de jour en jour. Un soir, elle embrassa Hardy en sanglotant, puis elle sortit et ne revint plus. Ce qui s'était passé, à quel vertige avait succombé la pauvre fille sans mère, sans guide, sans expérience de la vie, on va le savoir. Hardy pleura longtemps sa sœur. Puis l'équitation, l'escrime, la natation, la manœuvre de la lance, de l'arbalète, occupèrent sa vie. Le temps s'écoula. Hardy accomplit sa 10e année. Un jour d'hiver, aussi subitement qu'elle était partie, Laurence reparut au logis, mais combien triste et maigrie, pauvre oiseau blessé qui regagnait péniblement l'ancien nid. Elle était vêtue de noir. Elle portait dans ses bras une petite fille, fraîche, rose et souriante. Pour elle-même, et non pour Hardy qui n'entendit pas, elle murmura. Seule, je fusse morte plutôt que de souiller ce cher foyer de ma présence. Mais cet ange, mon Dieu, a toute la honte pour moi plutôt que la misère pour elle. Et arrêtant d'un geste timide les effusions de Hardy, elle demanda en tremblant s'il y avait encore place pour elle au logis Passavant. Pour toute réponse, le petit chevalier assembla ses gens et leur ordonna d'obéir à Laurence comme à lui-même. La gouvernante ayant assuré qu'elle n'obéirait pas, fut chassée incontinent. Le gouverneur voulut hasarder une observation, mais Hardy tira sa dague et le menaça de la lui passer aussitôt tout au travers du corps. La maison trembla, et le chevalier, ayant fait sortir ses gens sans avoir rien compris à leur mine indignée, essuya les larmes de la pauvre fille. Puis il jeta un regard curieux sur l'enfant qu'elle serrait sur son sein avec une sorte de passion farouche. « C'est votre fille ? » dit-il. Laurence, avec une expression d'indicible émotion, leva les yeux au ciel et, sans répondre, présenta la fillette à Hardy. « Elle s'appelle Roselys, » murmura-t-elle. Hardy demeura les yeux écarquillés, béant d'admiration, et enfin joignant les mains. « Oh, qu'elle est belle ! » soupira-t-il. Une flamme d'orgueil et de joie fugitive éclaira le visage de Laurence. 6 mois passèrent, au bout desquels Laurence d'Embrun était redevenue la belle jeune fille qu'elle avait été, mais avec on ne sait quelle profonde mélancolie qui la rendait plus touchante. Elle ne vivait que pour Roselys. Avec une intense, une effrayante transfiguration de tous ses sentiments, Laurence s'absorbait en Roselys. Il n'y avait rien dans l'univers. Il y avait Roselys. Ce fut à ce moment que le hasard, cet anonyme endosseur de la fatalité, mit la fille du baron d'Embrun en présence de la duchesse de Berry, la même qui, au fameux bal où le costume du roi fut enflammé par une torche maladroite, sauva Charles VI en l'enveloppant de son manteau. Par malheur, la duchesse n'avait pas oublié les services rendus à sa maison par le père, mort pauvre et trop fier pour avouer sa détresse. Elle s'inquiéta, questionna, fut sympathique et promit un poste de fille d'honneur en même temps qu'une généreuse dot de 200 écus d'or à la rose pour le trousseau. Laurence trembla. Refuser ce titre que se disputaient les plus puissantes familles, c'était provoquer le scandale et l'enquête. L'accepter, c'était courir au-devant d'une horrible catastrophe, si jamais on découvrait que... 15 jours après, elle recevait son brevet. Bientôt, elle entrait en fonction. Le service qu'elle partageait avec 15 autres demoiselles de haute noblesse consistait à habiter près de la reine 15 jours chaque mois, une semaine de jour et une semaine de nuit. Laurence d'Embrun, donc, était demoiselle d'honneur depuis environ 18 mois et presque entièrement rassurée sur les dangers qu'elle avait redoutés. Roselys allait sur la fin de sa 5e année. Hardy achevait ses 12 ans et il en paraissait tout près de 15. Un jour, rentrant de l'hôtel Saint-Paul, Laurence trouva le logis en émoi. Dans l'après-midi, faisant leur quotidienne promenade, Roselys et Hardy s'étaient approchés du bord de l'eau. La berge était là, très élevée. Un faux pas précipita Roselys dans la Seine. La gouvernante appelait au secours lorsqu'elle aperçut Hardy qui s'était jeté à l'eau, saisissait l'enfant près de couler et la ramenait évanouie sur les bords. La digne matrone raconta par la suite que jamais elle n'avait vu figure plus terrible que celle de Hardy luttant pour sauver sa petite amie. Voilà ce que, ce soir-là, apprit Laurence. Elle serra convulsivement dans ses bras Hardy de Passavant et dans un mouvement de terreur folle, elle murmura « Si elle était morte !»« Si elle était morte, je serais mort !» Ceci fut dit d'une telle voix que Laurence tressaillit et jeta un regard profond sur le petit chevalier. Et alors la vérité lui apparut. L'affection de Hardy pour Roselys avait grandi avec une vigueur qui la stupéfia et la désespéra. C'était une passion, une de ces fleurs mystérieuses, charmantes et troublantes, que sans le savoir les enfants portent quelquefois dans leur cœur comme en une serre impénétrable, inconnue d'eux-mêmes. Laurence fut bouleversée. L'effrayant problème de l'avenir de Roselys, pour la première fois, se dressa devant elle. Oh, c'est qu'elle évoquait l'avenir, l'effroyable moment où cette enfantine affection s'affirmerait en amour, où Hardy voudrait tout connaître de la vie de Roselys, où il questionnerait, où il interrogerait Laurence, et où elle serait forcée d'avouer la lamentable vérité. Roselys, une fille sans nom. Fille sans nom. Aujourd'hui, cela se pardonne, oui, peut-être. Mais alors ? Fille sans nom, c'était en ces siècles barbares l'infamie que nul ne pardonnait. C'était l'ignominie. Dans 3 ans, dans 2 ans, songeait Laurence, dans quelques mois, il sera trop tard. Il faut fuir, fuir avant que Hardy ne comprenne, ne demande. Seigneur, sanglotait-elle, prenez ma vie. Et en échange, donner un nom à cette innocente. Soudain, au mois de juin de l'an 1395, Laurence d'Embrun se reprit à vivre. Une joie fiévreuse éclata dans ses beaux yeux. Un bruit s'était répandu dans Paris, et en même temps une pensée d'espoir, sans doute, s'était levée dans l'âme de Laurence et s'y fortifiait. Un soir, une fanfare de trompette passa au coin de la rue Saint-Martin et se perdit au loin vers l'hôtel Saint-Paul. Laurence d'Embrun jeta sur Roselys un regard brûlant et son cœur éperdument cria. « Tu es sauvée, tu ne mourras pas de honte. Hardy ne te chassera pas, car ton infamie de fille sans nom, je vais la racheter au prix de ma pauvre vie, inutile et brisée. » Le dimanche commença au palais sa semaine de nuit. Le mercredi, toutes ses dispositions étaient prises, sans doute. Dans la journée, elle habilla Roselys avec une coquetterie exquise et l'emmena avec elle à l'hôtel Saint-Paul. Nous ne dirons pas ses précautions pour l'introduire secrètement. C'est le soir de ce mercredi que Jean sans peur entra au palais de la reine. Ce fut ce soir-là que, dans les profondeurs de la galerie silencieuse, un sanglot répondit au serment du comte de Nevers. Ce fut ce soir-là, vers 11 heures, que la reine Isabeau pénétra dans le couloir réservé aux chambres des filles d'honneur. C'est à cette heure-là que, d'un geste frénétique, elle ouvrit toute grande la porte de l'une de ses chambres, celle de Laurence d'Embrun.